Le voleur et le moine. En ce temps-là, vivait aux environs de Hainkyo, dans un temple perdu dans la forêt, un moine connu pour sa grande sagesse, nommé Sicheri Kōjin. Ce soir-là, le saint homme était seul. Il récitait des sutras au pied d'une statue du Bouddha. Soudain, la porte du temple s'ouvre à la volée. Un homme d'aspect effrayant, grossièrement vêtu, fait irruption dans la salle de prière. Il met sur la gorge de Sicheri sa longue épée effilée. « Moine !» hurle-t-il, « donne-moi l'argent des offrandes ou je te coupe la tête et la fais rouler au pied des autels. » Sicheri était installé en Siddhasana, la posture parfaite. Le dos droit, les genoux repliés, il garda la position et pas un muscle de son visage ne tressaillit. « Prends l'argent qui est dans le vase des offrandes, » dit-il, « ne me dérange pas dans mes prières. » Et il reprit la récitation des sutras. Le voleur se dirigea vers l'endroit indiqué et commença de remplir ses poches. Dans sa hâte, il faisait tinter les pièces et parfois un juron lui échappait quand l'une d'elles roulait sur le sol. Il faut reconnaître qu'il était embarrassé par sa grande épée. Au bout d'un moment, sans tourner la tête, le moine dit « Ne prends pas tout l'argent, je dois payer demain matin l'impôt du temple. » Le voleur, impressionné par la fermeté de la voix et le sang-froid imperturbable du moine, laissa en maugréant un peu d'argent au fond du vase des offrandes. Il s'en allait avec son butin lorsque le moine dit encore « Quand on reçoit un présent, on doit remercier. Fais-le. » Le voleur, subjugué, marmonna un vague « merci » et disparut. Un an plus tard, le voleur fut arrêté. Il avoua, entre autres méfaits, le vol commis au temple, crime qui était puni de mort. Confronté au moine, il l'entendit avec stupeur déclarer « Moi, Sicheri, je déclare que cet homme n'a pas profané le temple. Je lui ai donné une grande partie de l'argent des offrandes et il m'a remercié. Tout est en ordre. » Le voleur fut condamné à 5 ans de prison seulement. Quand il fut libre, il vint trouver Sicheri dans le temple perdu dans la forêt et il devint son disciple. Au long des années, les visiteurs et les pèlerins admiraient sa profonde piété. Ainsi a-t-il été rapporté des histoires du passé. Dans ce paysage de printemps, il n'y a ni meilleur ni pire. Les branches des fleurs poussent naturellement. Certaines sont longues et certaines sont courtes.